cause droite et convoitise. Tout le monde s'est noyé dans la tise. Ça attise les flammes du mal, celles qui nous valent tous ces drames. L'amitié, plat bien, sujet trop pur. Des vérités, j'en ai à dire, pleine de désinvolture. On tisse des liens pendant des années, puis on les brise aussi vite qu'une fleur, mettant à faner. Cette phase de cool chaîne, je l'ai posée au brigadier pour justifier les déviances dont la vie nous accusait. Mon amitié, y'en a qui l'ont et qui ont galéré. Comme je demande pas à être aimé, ça peut prendre des années. Si ça arrive jamais, bah j'en ai rien à péter. Un petit bilan sur mon passé, un petit instant de vérité. Désolé, c'est vrai, on est des requins en quête de proie facile. Et si je m'investis pas, je risque pas de partir en vrille. Ça faut pas jouer avec les sensations de trahison, des réactions primitives qui te ramèneraient en prison. Cet état d'énervement qui te ferait trouer des penses quand les amis deviennent balance, la délinquance devient tendance. L'amitié ça tient à rien, ça casse des liens pour des catins et baisse les siens par derrière pour des favins. Ça me dégoûte quand y'a un doute, y'a pas de doute. En vrai c'est tout seul et sans rétro qu'il faudrait faire sa route. Pessimiste peut-être, en vrai réaliste, strict avec mon vécu triste, alarmiste face à mes cicatrices. Je voudrais m'en détacher, ne plus être entamé avec mon équipe. Je trouvais la paix mais rien peut la briser. Je te le dis pas, mais en vrai je suis là pour toi et pas que quand t'as besoin. Voilà, et puis basta, tant que tu parles pas sur moi, que tu m'acceptes comme je suis dans tous les cas. T'as autre chose à faire, et bah fais-le sans moi. Et les filles piètes déjà casseuses, en manque de scoop, te tendent des pièges et veulent te barrer la route. La jalousie comme seul guide, la tête dans le guidon, elle pousserait au suicide si t'es pas leur opinion. M'en voulez pas, vous êtes super compliqué, plus cru, plus gore, plus hardcore que les queumés. Plus de violence entre meufs, ça fait longtemps que ça tire plus les cheveux. Tu veux du neuf mon vieux, maintenant ça crève les pneus. Arrêtez d'acter, parler sur les gens, je vous aime bien mais faut pas abuser. Sérieusement, tu veux me prouver le contraire, mais je pense tu fais pareil sur moi. Tu veux me prouver le contraire, mais lâche-moi, laisse-moi, j'ai pas le choix. Je trouve pas le réconfort à tes côtés, c'est pas ta faute, rassure-toi. Mais la confiance qu'on m'a volée, j'aime trop ce qu'est la femme pour vous laisser dériver. Mes potes respectent plus les meufs que vous, vous me respectez en vrai. Dans mon amitié, y'a de l'intimité. Je suis déçu, mais pas révolu à donner de la confiance sans abus. Une petite face pour celle que je connais qui s'élève vers le sommet. Je vous kiffe, mais les filles, c'est trop dangereux de se confier. Et les mecs, toi qui trahis ton frère pour une partie de jambes en l'air, pour une petite pétasse, une petite pulsion en courant d'air. T'aurais dû courir lui dire que c'est une allumeuse, mais la vie est trop courte, elle trop bonne. T'as fermé les yeux, toi qui dis est un pote, j'fais des thunes sur nos dos, vend des bouts de bédo au tarif de Sarko. C'est quoi, y'a quelques valeurs, toi que t'as dû zapper. Y'a ces pigeons dans ton quartier, mais t'as pas envie de te faire chier. Toi qui m'as fait croire que l'amitié avec une meuf rien de plus facile, t'as glissé la main sous la table quand j'ai commencé à sourire. Moi au fond de moi, l'amitié, j'y crois, bah oui, j'ai dû zapper quelques trucs. Ah ouais, l'humain est une petite pute, ils m'ont rendu aigri, impassible, mais c'est impossible. Pourquoi moi, pourquoi moi, et pas une autre cible à toi qui a réussi à gagner mon amitié. Toi-même, tu te reconnais, j'ai besoin de toi, mon ami, pour avancer. J'ai peur, peur de donner ma confiance. Trop de méfiance me pousse à l'indifférence, sans décence. Je suis tombé dans la souciance, je sais, c'est pas facile pour vous. Ça fait longtemps que j'ai fermé les verrous, lui en voulez pas. À celle qui a fait tout ça, j'ai appris à ne plus être naïve, à sélectionner mon entourage. C'était con peut-être, mais j'ai cru en ces belles choses. Je suis retombé sur mes pieds, puis passé à autre chose. J'aurais pu donner ma vie et j'étais pleine de conviction. S'il fallait, j'aurais défendu jusqu'à la casse-prison, jusqu'à la trahison. Tu te rends pas compte que t'es un pion, qu'en fait c'est pas réciproque du tout. Comme sensation, moi je veux un collègue qui restera. Si je deviens schizophrène, qui me croira toujours même face à plein de dilemmes. Celui qui pend dans les bastons, on soutient sans se poser de questions. Il connaîtra mes enfants, je me vois demain comme maintenant. Celui qui me roulera mes bêtes si j'ai les deux bras cassés, à qui je donnerai même un mes poumons si ça peut le sauver. Tu veux me soutenir? Vas-y, laisse-moi écrire, dire ces choses comme je les pense et faire les apparences. Écoute, incapable à cerner, je suis toute dépitée, dégoûtée de m'être fait serrer par sentiments entiers. Apprendre la réalité passe par se tromper, ok, se planter d'opinion, les conclusions en tirer. J'ai donné sans compter, mais sans rougir, on m'a trompé. Profiter d'une amitié trop facile à becter. En vrai, c'est pour les potes, les vrais. Je sais pas qui, parce que je suis pas rassuré. Je suis altruiste, investi, alors effrayé. Grosse droite et convoitise, tout le monde s'est noyé dans la tise. Ça attise les flammes du mal, celles qui nous valent tous ces drames. L'amitié, plat bien, sujet trop pur. Les vérités, j'en ai à dire, pleine de désinvolture. L'amitié, voilà un sentiment bien difficile à exprimer, difficile à donner, car trop souvent gâché. Amitié gagnée ou bafouée, on m'en a donné, on m'en a enlevé, j'en ai rayé, en espérant me protéger. Et sa famille, on la choisit pas, mais ses amis oui. Donc n'oublie pas, si je veux je t'oublie, sans toi je continue ma vie chez moi. Pas d'amis d'enfance, ma vie amicale est une errance, où je donne pas de seconde chance, où je donne difficilement ma confiance. Mais si je la donne, demande-moi de me couper une main, je me coupe un bras, appelle-moi quand ça va pas, je serai là pour toi, je réfléchirai pas, je me casserai la gueule pour toi, pour te retrouver en bas. Si t'en sors pas, au moins je serai là avec toi. Je dis ça, mais même moi j'avais du mal à le faire, dur d'appeler à l'aide pour dire que tu touches terre, pour dire que t'as envie de te foutre en l'air. C'est vrai, c'est avec ses amis qu'arrivent souvent les pires galères. Et alors je m'en tape, moi au contraire j'en suis fier. Mais y'en a qui baissent leur calbut de suite après quelques bières, pour une turlute sans suite, très prêt à baiser leur frère. Tu jouais le fier devant cette michetonneuse, et quand elle t'attèche tu t'es retourné, et y'avait plus personne derrière. Et lui, t'as cru que c'était ton pote, jusqu'au jour où il est venu chez toi en queuement et a voulu tes plans, seulement pour quelques francs. Sois franc, combien sont-ils autour de toi à cet instant, prêts à te suivre, même s'ils sont pas sur très rang? Combien seront-ils demain s'ils apprennent que t'es mourant? Combien seront-ils à accepter de débrancher ces machines qui tiennent vivant? J'ai entendu dire un jour, et j'y ai cru, qu'un homme comblé devait finir sa vie avec au moins un ami à ses côtés. Et j'espère que ce sera mon cas, que je continuerai à voir avancer mes gars. T'inquiète Elida, quand je dis ça, je t'oublie pas. Si je l'ai invité sur ce morceau, c'est pas pour rien. L'amitié entre un mec et une meuf n'est pas impossible, la nôtre existe bien. Tes préjugés sont pas un frein, on s'en bat les reins. Nous quand on baise, c'est des canettes, vraiment tu comprends rien. Pour quelques euros, tu t'embrouillerais avec les tiens. Moi j'espère qu'on continuera à se voir, même une fois qu'on n'aura plus rien. Certains, une fois blindés, tournent leur veste, deviennent des enculés. Mais moi je m'en branle de savoir ton compte, comment il est. Si t'as besoin, je t'aiderai tant que je pourrai. Pour toi je cantinerai, les meilleurs médecins je paierai. Et je m'endetterai pour payer un nouveau fauteuil, car dans ce monde de pute tout coûte cher, même le deuil. Pars tranquille, ta famille sera pas sur le seuil. L'amitié, un sentiment que j'ai essayé d'expliquer, que je continuerai d'essayer de donner. Si j'y arrive pas, désolé.